ce boulot est merdique, vous voulez être augmenté. Il rigole d'un air sadique et se replonge dans ses dossiers. Vous l'étranglez avec du papier toilette, allez plage 47. Vous êtes au bout du rouleau, des vacances vous feraient du bien. Allez à la plage, avec votre maillot de bain.